Bonjour Greg Germain. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour partager quelques mots de James Baldwin avec son Harlem Quartet que vous avez mis en scène par Élise Vigier à la MAC de Créteil. Que j'ai même filmé, oui. J'ai trouvé que le monologue de la fin qui était dit par un des acteurs était assez formidable. Et puisque c'est ma minute poétique, merci beaucoup de me la proposer. Je vais vous lire ce qu'il disait. C'est un monologue. Alors, ils sont dans le sud des États-Unis, ils viennent de voyager, son frère va chanter, a chanté à l'église, c'est une église noire, nous sommes en 1958, en pleine tension raciale américaine, et Baldwin a quelques réflexions à travers la voix d'Arthur. Il va falloir rentrer dormir, sortir de l'église et traverser la foule des motards et rentrer dormir. Certains d'entre nous ne passeront pas la nuit, beaucoup d'entre nous ne passeront pas l'année. C'est une chose de savoir que l'on peut mourir n'importe quand, comme ça. C'en est une autre de savoir que l'on peut être assassiné, n'importe quand, comme ça. Les motards sont là. Ils encerclent l'église. Trois types blancs qui ne sont pas des flics nous dévisagent avec une haine inexprimable. L'un d'eux, le plus blond des trois, fixe Peanut avec cruauté et dégoût. Comme si ses yeux de rat pouvaient percer le crâne de Peanut. Quel gâchis. La nuit est si belle et le pays est si beau. J'ai contemplé la beauté de ce pays en venant jusqu'ici, et je la contemple encore, et à chaque fois je voudrais dire à ces pauvres blancs obnubilés par l'idée de faire de leurs enfants des monstres, ça n'est pas nous qui ne pouvons pas oublier, c'est vous qui ne le pouvez pas. Nous ne passons pas toutes nos heures de veille et toutes nos heures de sommeil tourmentées par votre seule présence. Nous avons d'autres choses à faire, vous n'avez rien d'autre à faire, vous? Mais peut-être que vous n'avez rien d'autre à faire. Peut-être que finalement vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Peut-être que la différence entre nous réside dans le fait que moi je n'ai jamais violé votre mère ou violé votre sœur, ou que s'il m'est arrivé de commettre un tel acte, c'était dans un accès d'absolue démence, et non parce que c'était ma manière de vivre. Parfois même, savez-vous que je suis tombé amoureux de votre mère ou de votre sœur. Et parfois même, savez-vous, ce sont elles qui sont tombées amoureuses de moi. Cela, moi, je peux vous le dire. Vous, en revanche, vous ne pouvez pas me le dire. Vous ne pouvez pas vous en souvenir et vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier les poitrines noires qui vous ont donné le lait quand vous étiez bébé. Mais vous n'osez pas vous en souvenir non plus. Peut-être la différence entre nous réside-t-elle dans le fait que ce sont les seins de ma mère ou de ma grand-mère que vous avez tétés et qu'elles ne m'ont jamais appris à vous haïr. Car qui peut haïr un bébé? Vous? Vous le pouvez, vous? Peut-être la différence entre nous réside-t-elle dans le fait que je n'ai jamais eu peur de cette queue que, comme tous les hommes, vous avez entre les jambes, et que je n'ai jamais organisé, moi, de pique-nique pour vous la couper devant de gigantesques foules en délire. Je vais vous dire quelque chose. Le dieu que vous avez trouvé est un mec vraiment cinglé. Je me renseignerais encore un peu sur lui si j'étais vous. Je crois qu'il se fout de vous. Je vous dis ça en ami, il a fait ce qu'il fallait pour que vous ne puissiez pas voir l'herbe, les arbres, le ciel, votre femme, votre frère, votre enfant ou moi, parce que vous ne me voyez pas. Votre Dieu m'a lancé comme un nuage noir devant vos yeux. Frottez-vous les yeux, mes frères, et recommencez tout. La paix soit avec vous. C'est James Baldwin.